Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le Libre Journal de Philippe Pichot-Bravard, diffusé en direct dimanche 6 juin 2010 de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30, et lundi 7 dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission est réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net. Chers auditeurs, bonjour, Philippe Pichot-Bravard. Dans le discours qu'il prononça le 13 septembre 2008 au Collège des Bernardins, le pape Benoît XVI a montré que la civilisation occidentale puisait ses racines intellectuelles dans l'ardeur des moines à chercher Dieu. Ce discours est l'une des interventions les plus importantes du pontificat. Benoît XVI y joue pleinement son rôle de gardien de la civilisation chrétienne. Depuis ce discours, au cours de ses audiences, chaque mercredi, le pape a rappelé le rôle des grands lettrés qui ont, au cours de l'histoire, veillé à la transmission du savoir antique notamment, tout en approfondissant la connaissance de Dieu. Alors que la nouvelle barbarie du consumérisme et du matérialisme vitrifie les intelligences, vide les cerveaux, fait table rase du passé, efface la mémoire. Benoît XVI nous invite à nous réapproprier notre culture, à redécouvrir les racines de notre civilisation, Athènes, Rome et Jérusalem, et à assumer ce devoir vital de transmission qui s'impose à nous. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la transmission de la culture antique au monde médiéval. Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Sylvain Guggenheim. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'École normale supérieure de Lyon, auteur de nombreux ouvrages, notamment La Sibylle du Rhin, Hildegarde de Bingen, Abbesse et prophétesse Rhénane, publié en 1996, Les fausses terreurs de l'an 1000, Attente de la fin des temps ou approfondissement de la foi, publié chez Picard en 1999, Les chevaliers teutoniques, publié chez Talendier en 2007, et puis Aristote au Mont-Saint-Michel, qui va nous occuper plus particulièrement aujourd'hui, avec comme sous-titre Les racines grecques de l'Europe chrétienne, publié aux éditions du Seuil, et plus récemment, Regard sur le Moyen-Âge, publié chez Talendier l'année dernière, et La réforme grégorienne, qui vient d'être publiée donc en 2010 à l'édition Temps présent. Et puis, mon deuxième invité, Madame Françoise Gaspari, bonjour Madame, qui est chartiste, qui a été membre de l'École française de Rome, directeur de recherche au CNRS, qui avait consacré sa thèse à la chancellerie royale française du XIe au XIIIe siècle et qui a publié les œuvres de l'abbé Sugère aux éditions des Belles-Lettres, l'abbé Sugère qui, faut-il le rappeler, fut le grand ministre de Louis VI et de Louis VII, en quelque sorte le Richelieu du XIIe siècle. Alors, première question, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette question de la transmission de la culture antique au monde médiéval? En ce qui me concerne, en tant que seconde invitée, je dois dire que ce qui m'a frappé dans mes études, parce que j'ai quand même brassé des milliers, j'allais dire des millions, presque des millions de manuscrits dans ma carrière de chercheur, c'est cette idée reçue des médiévistes, la majorité des médiévistes, qui consiste à dire que les hommes du Moyen-Âge ne connaissaient pas le grec. Or, quand on regarde les manuscrits, on s'aperçoit que sur les pages de garde, souvent, à la fin de la copie, on a des textes en grec, ou des fragments de textes. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ce que l'on dit, ce que l'on nous fait croire, n'est pas exact. Voilà, donc j'ai essayé de remonter un peu le temps et de voir le rôle des Grecs depuis les origines, disons, du haut Moyen-Âge. Oui, moi de mon côté, en fait, ça a été l'occasion de cours, de charges d'enseignement, où j'ai dû traiter, parce que c'était dans des programmes, le phénomène des échanges culturels en Méditerranée, et pour trouver donc fréquemment la mention de l'existence de l'intermédiaire arabo-musulman qui existe incontestablement, et donc j'ai enseigné, je suis tombé sur des articles qui m'ont amené vers une autre piste, qui était en gros celle d'une filière de transmission directe, donc qui n'occulte pas la première, mais en gros qui vient la compléter. Et là où, disons, les spécialistes font des nuances, dans des ouvrages destinés au grand public, finalement, on donne la priorité à une voie et on oublie l'autre. Et petit à petit, à force de creuser l'autre voie, j'ai fini par me persuader qu'elle était vraiment importante, et surtout qu'au fil des siècles, elle est devenue de plus en plus importante, avec des phénomènes d'accélération au XIIe siècle, au XIIIe siècle, encore plus au XIVe et XVe siècle. Alors, pour résumer rapidement votre propos, la thèse que vous soutenez remet en cause ce double préjugé qui est puissamment enraciné dans l'enseignement officiel, à savoir d'une part celui d'un oubli complet par le monde mérovingien et le monde carolingien de l'héritage antique, et d'autre part celui d'une dette importante de l'Occident chrétien à l'égard du monde musulman quant à la connaissance de cet héritage antique. Alors pour approfondir ce point, peut-être faut-il remonter aux origines. Et les origines, elles sont très anciennes, madame. Eh bien, les origines remontent au IIe siècle, en fait, où le christianisme s'est répandu chez les Parthes, chez les Achémédines, donc en Perse essentiellement, et surtout la fondation des écoles, enfin la fondation très ancienne de l'école d'Alexandrie. Donc l'école d'Alexandrie qui a connu les plus grands noms du christianisme, à savoir Jean Chrysostome, Grégoire de Nyse, Grégoire de Nazianze, tout ça, 3e, 4e siècle. Donc là, on a vraiment le point de départ que nous connaissons mieux, parce que le point de départ est beaucoup plus ancien, de cette diffusion du savoir antique classique, grec classique, vers dans le monde chrétien syriaque. Hein, voilà. Je crois que vous avez bien démontré la chose aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et avec le maintien d'un lien entre cette école d'Alexandrie et ensuite ce qui va être le monde philosophique byzantin. On dit toujours que, par exemple, Justinien a fait fermer l'université d'Athènes, ce qui est tout à fait exact. Il a fait fermer l'université d'Athènes essentiellement pour lutter contre le paganisme. En revanche, l'étude de la philosophie s'est maintenue à Byzance, avec des hauts et des bas, avec des périodes d'occultation, des périodes où c'était moins développé, mais des périodes où c'était davantage développé. Et pour avoir discuté avec des collègues grecs, spécialistes de philosophie byzantine, ils ont tous mis l'accent sur ce que vient de dire Françoise Gaspari. C'est-à-dire que, par exemple, les textes de l'école d'Alexandrie ou de personnages comme Jean Philopon sont des textes qui étaient très importants, qui étaient des commentaires intéressants des œuvres antiques, et que ces textes ont été connus des Byzantins et ont été commentés par les Byzantins. Donc même si à Byzance il y a une méfiance vis-à-vis du monde païen, et même s'il y a sélection et il y a tri, bien sûr, on ne reprend pas tout le savoir antique, mais il y a des choses qui sont reprises et il y a une chaîne qui n'est pas interrompue entre, par exemple, donc l'école d'Alexandrie et le monde byzantin. Alors, avant peut-être d'insister sur cette importance de Byzance, il y a, au moment où l'Empire romain d'Occident s'effondre, à la fin du 5e siècle, il y a l'action d'un certain nombre de grands esprits, de grands notables, Symmaque, Boèce, Cassiodore, qui ont tenté de sauver ce qui pouvait être sauvé de la culture antique. Alors, oui, excusez-moi. Cassiodore, oui. Bon, ouais, c'est Cassiodore, c'est le monde latin, en fait. Mm-hmm. Il faut dire aussi qu'à Rome, déjà, on avait reçu la culture grecque, on l'a cultivée, puisqu'on étudiait déjà au IIIe siècle, on étudiait Plotin, qui est du IIIe siècle, donc les auteurs contemporains. Et cette étude-là a permis d'être diffusée. Alors, il y a eu Cassiodore, il y a eu Boès. Bon, Boès était un immense traducteur. Qui n'avait qu'une idée en tête, c'est de transmettre ces textes grecs, une fois traduits, à l'Occident. Et Cassiodore, qui est une très grande figure du monachisme, parce que c'est quand même lui, tous les deux étaient des ministres de Théodoric. Bon, le premier, Boès, a été exécuté, le deuxième a réussi à s'en sortir, si je puis dire. Et il est parti en Italie du Sud, et il a fondé Vivarium. Vivarium, alors, il a fondé la distinction entre culture profane et culture sacrée. Et il a jeté les bases de la culture monastique. Là, on retrouve le pape Benoît XVI, justement. Il a donc jeté les bases de la vie monastique, c'est-à-dire la copie des livres, traduction, copie, et diffusion, enseignement. Donc on peut dire que c'est Cassiodore qui a fondé le monachisme occidental. Enfin, peut-être qu'il y aurait des choses... Oui, l'œuvre culturelle est phénoménale, si on pense en plus que Cassiodore est quelqu'un qui est allé chercher des manuscrits jusque dans l'actuelle Turquie. Enfin, il a essayé de récupérer le maximum de manuscrits du savoir antique. Mmh. Et effectivement, en faisant une distinction entre ce qui était sacré et profane. Mais il vit justement à une époque où le monde chrétien est sorti de l'opposition avec le paganisme. Mmh. Comme le paganisme est vaincu, et qu'on ne craint plus le paganisme, on peut reprendre les œuvres des païens. Mmh. En fait, on ne les considère plus comme païennes, c'est exactement ce que venait Françoise Gaspari, on les considère comme profanes, donc on peut les utiliser. Avec ce cas de conscience que se posent parfois les moines, qui est, doit-on étudier ces œuvres pour elles-mêmes, ou doit-on s'en servir uniquement pour des raisons grammaticales, linguistiques, pour approfondir les textes sacrés ? Quand on lit Plotin, on s'aperçoit quand même que Plotin n'était pas chrétien. Il était néo-platonicien. Et quand on lit Plotin, on voit qu'on est sur la frange du christianisme déjà. Et Boès récupère ça, je veux dire, c'est vraiment... On est là à l'ouverture de l'Occident au christianisme. Je ne me trompe pas. Oui, il y a une... D'abord, il y a eu souvent des attitudes très différentes suivant les individus eux-mêmes. Mais c'est vrai que globalement, tout ce qui n'est pas contraire à la foi peut être récupéré. Le problème, par exemple, c'est plus tard, ça sera les idées d'Aristote d'un monde qui n'est pas créé, un monde éternel. Et ça, évidemment, pour des gens tenant de religions monothéistes, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, ça pose un vrai problème. Mais le reste, la réflexion logique... Le savoir mathématique, la médecine ne pose pas de problème, ni aux chrétiens, ni aux musulmans. Il faut dire aussi que c'est Martianus Capella qui, a, dans ses premiers siècles, justement dans le 7e siècle, a défini aussi les arts libéraux, le trivium et le quadrivium. On en revient justement à cette discipline. Le quadrivium, c'est quand même les sciences, c'est quand même la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, la musique. Donc à ce moment-là, on peut établir justement des disciplines qui englobent tout, qui englobent le savoir scientifique, hérité de l'antique, en même temps que le savoir philosophique christianisé, si je puis dire. Toute l'école du Moyen-Âge est structurée justement par cette distinction et par ce travail de réflexion sur les disciplines. Oui, et ces deux secteurs du trivium, du quadrivium, c'est ce qu'on appelait la païdéia du mot grec, mais c'est la structure de base du monde scolaire de la fin de l'Antiquité, et c'est repris dans le monde occidental comme c'est repris à Byzance. Mmh. Je ne me trompe pas en disant que Marcellinus Capella est né à Carthage, je crois. Je crois bien, oui. Donc on est dans un monde qui est déjà... disons, où il y a des Arabes, en fait, déjà. Pas beaucoup, mais peut-être c'est pas encore l'invasion musulmane, mais il y a des Arabes. Et là, justement, c'est là qu'il faut faire la distinction entre Arabes et musulmans. C'est très important, je crois, pour la suite du propos. Oui, bien sûr. Parce que le monde arabe, c'est un monde soit arabe d'origine, arabe chrétien, par exemple, soit des Arabes christianisés, et puis ensuite des Arabes musulmans. Oui, et donc dans ce monde arabe, on retrouve des Coptes, on retrouve... Les Nestoriens, les Jacobites et les Melkites. Vous pouvez faire un rappel pour nos auditeurs de ce que sont chacune de ces catégories ? Ces catégories sont nées dans de violentes querelles sur la nature du Christ, en fait. Alors, les Nestoriens d'un côté... On a reproché à Nestorius, et ça c'est, disons, c'est c'est un petit peu la faute des jacobites d'avoir dit ça. On a reproché à Nestorius d'avoir séparé les deux natures du Christ, et d'avoir, parce qu'il a dit la Vierge est le Christotokos et non pas Théotokos. Alors on a profité pour dire mais qu'est-ce que c'est, considère que le Christ a deux natures séparées, etc. En fait, c'était beaucoup plus subtil que ça. C'était, disons, un malentendu sur l'hypostase, sur la nature, etc. Donc, on a reproché à Nestorius, et c'est resté chez les Nestoriens, cette séparation des deux natures, avec, disons, dans une même personne, mais deux natures séparées, bien séparées. Et les Jacobites ont insisté sur la nature divine, disant que la nature divine du Christ a absorbé la nature humaine. Et les Melkites qui ont fait la synthèse des deux, qui est, disons, la dogme catholique d'aujourd'hui. Et les Melkites, leur langue, c'était le grec. Donc, ils avaient beaucoup plus de relations avec Byzance, avec Athènes, et donc avec l'Occident, c'était quand même... Et d'ailleurs, ils dépendaient de Rome, si je ne me trompe pas, les Melkites. Alors, ce monde occidental, où on a vu Cassiodore, Boès, tenter de... créer des bibliothèques, créer des écoles, tenter de conserver et de transmettre cette culture antique, ce monde occidental est en quelque sorte revitalisé par les apports byzantins et par les migrations dues aux persécutions, dues aux invasions musulmanes et puis ensuite aux persécutions de l'iconoclasme qui conduit de Grecs, de Syriaques à fuir en Sicile, à fuir en Italie. Oui, en fait, bon, je ne veux pas prendre, je veux pas monopoliser la parole. Mais ça, en fait, c'est ça. C'est quand l'islam est arrivé, Mahomet est mort en 632, si je me souviens bien. En 635, on commence à avoir des problèmes avec les chrétiens. Hein. Donc, les migrations commencent. Bon, il y a eu la fermeture de l'école d'Alexandrie. Il y a eu plus tard, quelques décennies plus tard, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a fait qu'il y a eu des migrations vers l'Occident. À la suite de ça, il y a eu la querelle de l'iconoclasme à Byzance. Donc, nouvelle migration, ce qui fait que l'Occident, quand même, a recueilli pas mal de moines ou d'intellectuels grecs, syriaques, enfin arabes déjà, qui avaient ce bagage-là. Et qui occupe une grande influence à Rome au début du 8e siècle. On en trouve, effectivement. Surtout qu'effectivement, ils arrivent il y a déjà ceux qui arrivent chassés par les persécutions internes à l'Empire byzantin, donc avant les problèmes liés à l'expansion de l'islam. Et donc ensuite, pendant effectivement plusieurs siècles, on a des migrations. Alors il ne faut pas imaginer des migrations de millions de personnes, hein, bien évidemment. Il est très difficile de les quantifier, quelques centaines, quelques milliers de personnes par siècle. Très difficile donc de les mesurer, de les quantifier. Et en général, des gens qui avaient les moyens de partir, donc aussi qui étaient lettrés et qui étaient souvent des religieux, puisque les laïcs lettrés existent mais sont peu nombreux. Et on va les retrouver dans des monastères. Il y a des monastères grecs, et quand la séparation orthodoxe-catholique va s'affirmer petit à petit à partir du milieu du 9e siècle, enfin, il y aura non seulement des oppositions de langue, mais de dogme, etc. On a effectivement une présence orthodoxe en Europe dite latine, si vous voulez, et on a aussi, notamment donc au 7e siècle et au début du 8e siècle, on a toute une série de papes qui sont syriaques. C'est-à-dire qu'ils sont des originaires de ce monde du Proche-Orient. Donc, qui sont de langue maternelle syriaque, dont certains manifestement connaissaient l'arabe, qui connaissent le grec, qui ont été formés à la culture dont on parlait tout à l'heure, hein, du trivium et du quadrivium, telle qu'elle est répandue dans ce monde byzantin ou des frontières de l'Empire byzantin. Alors, ça ne suffit pas, il ne faut évidemment pas dire que toutes les populations européennes étaient hellénisées, hein, ce qui serait totalement faux, mais ça montre que l'on avait des venus du monde hellénophone, des gens lettrés, religieux, qui arrivaient en Occident avec des manuscrits, avec leurs connaissances, et qui se sont installés dans certains endroits, certaines régions du monde occidental. C'est vrai qu'autour de la petite dizaine de papes syriaques, pendant en gros presque un siècle, vous avez beaucoup de gens qui parlent grec à Rome. Ce qui étonne les prélats qui viennent d'Allemagne, qui eux, effectivement, ne parlent pas le grec. Et qui se retrouvent en milieu grec à Rome, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Il faut quand même signaler que l'Italie du Sud, la Sicile et Ravenne étaient des pays grecs. Mmh. Depuis fort longtemps. Et enfin, moi qui ai travaillé sur la chancellerie royale française, je travaillais aussi sur la chancellerie pontificale. Mais là aussi, on pratiquait absolument régulièrement le grec à la chancellerie pontificale. Et ça, c'est quand même très important parce que je vois au Moyen-Âge, au XIIe siècle, à Saint-Denis, en France, la liturgie était en grande partie en grec. Alors, qui dit liturgie en grec dit que tous les religieux, les clercs et les moines, a fortiori, chantaient le grec. Et c'était pas une langue étrangère pour eux. Alors, c'est bien le maintien d'une langue, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'ils avaient lu Platon, Aristote. On est bien d'accord, il faut que nos éditeurs nous suivent bien. Mais je suis tout à fait d'accord, il y a un maintien de cette langue. Et par le maintien de cette langue, on a un support qui va plus tard permettre une bonne réception de ce qui est intéressant scientifiquement et philosophiquement. Alors pour faire un peu un lien avec les auditeurs, parce qu'il faut quand même qu'on dise un petit mot sur l'Occident, et ça je le tiens de vous, mon cher Sylvain, c'est que le dernier pape syriaque, enfin oriental, c'est Zacharie, et c'est Zacharie qui a mis la couronne royale sur la tête de Pépin le Bref. Oui. Donc je l'ai lu dans votre livre, voilà. Et qui crée cette alliance, qui ne sera pas démentie avant la Révolution, entre la monarchie franque, puis française, et la papauté. Oui, et d'autant plus qu'on peut dire, on parlait tout à l'heure de la méconnaissance du grec chez les Carolingiens. Oui, chez les Carolingiens, il faut quand même savoir que Charlemagne apparemment connaissait le grec, bon, que Louis le Pieux était entouré de moines syriaques, que Charles le Chauve connaissait le grec, c'est pas par hasard. Bon, il a quand même été élevé à Saint-Denis. Mmh. Donc voilà, donc il y a quand même cette filiation hellénique qui reste à creuser, parce que c'est pas assez, on n'étudie pas assez la question. Alors justement, Zacharie qui désigne Pépin pour être roi des Francs, qui use d'ailleurs de son imperium, hein, enfin les choses vont très loin, il prétend être le descendant des empereurs, hein, avec la pseudo-donation de Constantin. On arrive là dans le monde carolingien, et ce souci des rois carolingiens, de Pépin, de Charlemagne, de Louis Ier, de Charles II, d'attirer à eux des érudits, des lettrés, et avec une cour très brillante, et puis même le souci de l'enseignement des clercs, et même de la population elle-même. Oui, c'est tout le développement de l'académie, enfin, du nom d'académie qui n'a pas été choisi par hasard, mais l'académie palatine avec sa chapelle. Il y a des petites choses à l'époque de Pépin le Bref, mais c'est vrai que c'est surtout Charlemagne qui attire à lui des lettrés venus de toute l'Europe, et qui constitue une sorte de cour européenne, puisqu'on a un Visigoth comme Théodule, un anglo-saxon comme Alcuin, des Italiens, donc des gens venus de différentes régions d'Europe, et qui, à Aix-la-Chapelle, forment une académie où ils s'amusent même à prendre des noms, des surnoms de poètes latins, donc ce qui montre leur attirance pour la culture antique. Oui, c'est quand même typique de voir Alcuin anglais, Théodule espagnol, Paul Diacre italien, comment s'appelle-t-il, Eginhard, le biographe de Charlemagne, germanique. Mmh. Donc là, on a la convergence de l'Europe. Mmh. Si on veut chercher les racines de l'Europe, les voilà aussi. Hein, c'est assez impressionnant. Et Pépin le Bref, pardon, il a quand même reçu et envoyé plusieurs ambassades à Byzance. Mmh. Et Pépin le Bref, sur lequel on insiste trop peu, à mon sens, parce que moi, je l'appellerais volontiers Pépin le Grand. Il a quand même rassemblé les manuscrits grecs, latins et grecs, pour réformer la liturgie. Et Charlemagne a joué un rôle énorme aussi, mais j'allais dire qu'il a eu un père assez génial. Et puis, oui, il y a tout de suite ces liens qui se mettent en place entre Byzance, la cour des Francs, et notamment à propos de questions théologiques. Il y a des liens. Alors, il faut bien voir les choses comme n'étant pas forcément un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que vous avez des relations qui existent entre le monde franc et le monde byzantin et qui sont chaotiques et qui peuvent être bonnes à certains moments et très mauvaises à d'autres. Charlemagne va être en guerre contre les Byzantins dans les années 810-811, après un projet de mariage avec l'impératrice Irène, etc. Et on a donc des relations politiques qui sont ce qu'elles sont et qui évoluent. Parfois un très bon sens, parfois un mauvais sens. Et indépendamment de ces relations politiques, il y a des relations commerciales et il y a des transferts culturels. Le fait de dire qu'à certains moments des pays sont en guerre n'est pas un argument pour dire qu'ils n'échangeaient pas. C'est la même chose entre byzantins et les musulmans, ou entre les musulmans et les chrétiens. Ils pouvaient être en guerre et néanmoins avoir des échanges commerciaux ou des échanges culturels au même moment. Les situations sont souvent très, très complexes et pas monocolores. Et puis, oui. Non, je me permets de préciser un point. C'est l'invasion de l'Espagne par les musulmans. C'est quand même milieu de 750. Hein. Et il ne faut pas oublier que il y a un arabe qui s'appelait, je m'excuse pour la prononciation, c'est Yul, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui témoigne de ce que les premiers envahisseurs arabes musulmans en Espagne étaient analphabètes. Et que peu à peu, ces arabes-là ont demandé à Byzance d'envoyer des moines traducteurs pour former des esclaves en Espagne qui seront des esclaves traducteurs. Je trouve que c'est important aussi à dire. Et puis l'invasion musulmane en Afrique du Nord puis en Espagne a conduit elle aussi à une migration de clercs, de savants qui ont apporté leurs manuscrits en Gaule et en Angleterre. Oui, il y a eu des réactions très différentes de la part des élites. Il y a les cadres de l'église copte sont restés, par exemple, alors qu'au Maghreb, les cadres de l'église ont abandonné leur population et sont partis. Donc les réactions des structures ecclésiastiques face à l'arrivée d'un conquérant, de toute façon, et donc d'une occupation, et donc d'un nouveau pouvoir politique, il y en a qui ont finalement réussi à tisser des relations à peu près correctes. Il y a eu des résistances chez les coptes, il y a eu des luttes. Mais les structures, les cadres sont restés en place, et l'église copte est restée. Dans les pays de l'Afrique du Nord, les cadres ont abandonné les populations, effectivement, pour aller en Espagne, voire dans le monde franc. Alors dans ce monde où l'on communique, où les manuscrits circulent, où les papes, lorsqu'ils veulent faire un cadeau, adressent quelques manuscrits à tel monastère ou à tel prince. Donc on a un échange intellectuel qui est réel malgré tous les obstacles matériels. Et puis on a le travail que font les moines eux-mêmes dans leur monastère, qui est ce travail de copiste. On recopie et l'époque carolingienne, à cet égard, sous la protection de Pépin, de Charlemagne et de leurs descendants, a joué un rôle tout à fait essentiel. Ce sont des milliers de manuscrits qu'on a conservés. Oui, c'est énorme. C'est à eux qu'on doit la transmission. Enfin, c'est grâce à leur travail de copiste que l'on doit la transmission d'une grande partie des œuvres, surtout là de l'Antiquité latine. Et grec aussi, parce qu'à la fin du règne de Charlemagne, on peut dire que dans les grandes églises d'Occident, il y a des manuscrits grecs. Oui. Donc ça, je crois qu'il faut replacer un petit peu tout ça quand même, c'est important. Bien sûr. Alors, la monarchie carolingienne a joué un rôle important, et puis après ces invasions vikings qui ont été redoutables, mais peut-être moins destructrices qu'on le dit, il y a la monarchie ottonienne. Oui, il y a une résurgence, après l'effondrement de l'Empire carolingien, il y a petit à petit une résurgence de structures impériales en Allemagne, et un rétablissement de l'Empire en 962, et il y a, chez les trois empereurs ottoniens qui se succèdent, donc entre le milieu du Xe siècle et le début du Xe siècle, il y a Otton Ier, Otton II, Otton III, c'est facile, ils portent le même nom. Et on les a donc pendant une cinquantaine d'années au pouvoir, l'un à la suite de l'autre, le grand-père, le fils, le petit-fils. Il y a la volonté de développer la culture dans le monde germanique et finalement de faire ce que les Carolingiens avaient fait. Il y a une imitation de l'Empire carolingien dans le monde ottonien. Et il se trouve qu'il y a eu un mariage tout à fait intéressant, puisque l'un des Ottoniens, Otton II, a épousé une princesse byzantine, Porphyrogénète, donc née dans la salle de marbre rouge du palais de Constantinople, Théophano, et que Théophano est arrivé à la cour ottonienne avec un entourage de moines et de lettrés. Et que ça a donné à son fils Otton III le goût des lettres, qui va l'amener à avoir une correspondance tout à fait intéressante avec Gerbert, le fameux pape de l'an 1000, Sylvestre II, qui est un des grands savants du temps. Otton III qu'on a appelé la merveille du monde. Mais qui malheureusement est mort à 24 ans. Voilà. Il meurt très tôt, comme son père. Il faut dire aussi qu'il y a... Alors, les Ottoniens ont fait venir des maîtres d'Italie, de Vérone en particulier. Oui. Il y a eu cette grande explosion, disons, intellectuelle à Liège, à l'école de Liège. Oui, ça c'est, j'appuierais volontiers, ce que fait notre guerre de Liège aux alentours de l'an 1000. Liège est quand même surnommé dans des textes du temps l'Athènes du Nord, autour de l'an 1000. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait à Liège une culture aussi florissante que dans l'Athènes de Socrate, bien sûr. Mais l'idée qu'à l'époque, on qualifie Liège d'Athènes du Nord montre que pour les gens du temps, la référence en matière de culture, c'est Athènes. Et notre guerre de Liège a fait beaucoup, en relation d'ailleurs avec des villes comme Chartres, dont on parlera peut-être, avec des écoles de Reims, etc. Ces gens-là communiquent entre eux. Pas toujours facilement, bien sûr, mais ils communiquent entre eux. Ils ne sont pas isolés. Alors, on a une première question d'un auditeur qui revient sur l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie et qui demande qui a brûlé cette bibliothèque. D'ailleurs, la réponse est peut-être dans le deuxième message. On dit que c'est Omar II, le calife Omar II, mais on n'en est pas certain. D'accord. Non, on n'est pas certain. Je crois que là-dessus, il faut se garder d'aller trop vite dans un sens ou dans l'autre. Je pense à ce que dit très très bien Alfred Louis de Prémard dans son livre sur les fondations de l'islam. Il dit qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu un incendie d'origine accidentelle et que on n'a pas maîtrisé cet incendie, ou on n'a pas eu les moyens, ou on n'a pas cherché à le maîtriser. D'accord. Je suivrai volontiers Prémard. Donc il n'y a pas eu nécessairement une volonté de destruction. Mais on avait quand même fermé l'école. Mais l'école était fermée, par contre, bien sûr. L'école était fermée. Vous écoutez Radio Courtoisie, Philippe Pichot-Bravard reçoit le professeur Sylvain Guggenheim et Madame Françoise Gaspari pour parler de la transmission de la culture antique au monde médiéval. Alors, on a ce monde dans lequel byzantins, occidentaux communiquent ces manuscrits, un monde occidental qui s'emploie à conserver cette culture, notamment dans les monastères, avec les scriptoria, etc., les moines copistes, qui recopient les manuscrits qu'on leur offre, qu'on leur porte, qu'on leur apporte. Peut-être est-il bon maintenant d'aller faire un tour en Orient, voir ce qui s'est passé dans les au 5e, au 6e siècle, au 7e siècle, et notamment au moment où l'invasion musulmane a eu lieu et où l'islam a pris en main tous ces pays. Il y a un préjugé puissant qui veut que l'Occident chrétien ait redécouvert la pensée grecque grâce au monde musulman censé plus civilisé. À l'origine de ce préjugé, il y a cette confusion opérée entre le monde arabe et le monde musulman, dont sur lequel vous êtes revenue tout à l'heure, madame, et dans le même temps, on réalise quand on prend conscience de cette distinction que le monde musulman lui-même est redevable aux chrétiens coptes, melkites et nestoriens de la connaissance de la pensée grecque. Tout à fait. D'ailleurs, la pensée grecque, mais également les techniques, la médecine en particulier, parce qu'on a de très grands médecins syriaques qui ont, de génération en génération, retransmis, comme je l'ai dit tout à l'heure, du grec en syriaque, du syrac en arabe. Et à l'arrivée de l'islam, beaucoup de ces textes-là ont été traduits. Et on a l'école d'Alexandrie a donné, vous avez dit Philopon. Et il y a le dernier très grand, c'est Paul d'Égine. Ce sont des hommes qui ont transmis les connaissances philosophiques, mais aussi les connaissances scientifiques. Donc Euclide, Théocrite, etc. Donc une partie des savants qui entouraient certains califes étaient des chrétiens qui ne se sont jamais convertis à l'islam. Certains d'entre eux, oui. Parce que voilà, quand l'arrivée de l'islam, c'est un gros problème, parce que on peut imaginer que les chrétiens se sont opposés à cette invasion. Or, il se trouve que ce n'était pas le cas, au fond. Pour beaucoup d'entre eux, ça n'était pas le cas. Le cas est surtout pour les nestoriens. Parce qu'il y avait constamment la guerre entre la Perse et la Grèce, donc un climat de guerre incessant. D'autre part, Byzance pratiquait une politique fiscale extrêmement pesante. Et les nouveaux venus, on attendait des nouveaux venus qui soient un peu plus, disons, un peu plus raisonnables au point de vue fiscal. Ensuite, ils connaissaient les Syriaques, les Orientaux, connaissaient les Arabes. Il les connaissait, il les fréquentait dans les déserts, dans les tribus nomades. Donc, il y avait cette connaissance. Et pour eux, souvent, c'était une forme de libération du royaume perse et de Byzance. Donc, les Nestoriens en particulier qui occupaient de préférence la Macédoine, la Perse et, la, et l'Irak actuel, la Mésopotamie, les Nestoriens se sont volontiers, disons, adaptés et ils sont devenus les médecins des califes. Et après, ils ont trouvé, si j'ose dire, sans vouloir les accuser, mais ils ont trouvé une excellente rente de situation. Parce qu'être médecin et être médecin des chefs d'un État comme l'Empire abbasside, c'est un poste très honorifique. C'est un poste aussi qui vous protège de problèmes éventuels, de jalousie personnelle, etc. Et ça explique aussi que ces médecins ont soigneusement transmis leur savoir médical à l'intérieur de leur famille. Et ils ont exercé comme ça un monopole tout à fait intéressant. Alors, c'est vrai que les plus importants sont des médecins nestoriens. Je crois qu'il y a quelques médecins juifs. Et la, la transmission de la médecine aux, alors pour le coup, là, aux Arabes musulmans s'est faite en fait très lentement. Je dirais que ce n'était pas un désintérêt des Arabes musulmans pour la médecine, mais c'est que, pour, au moins pour les postes importants, la famille des Bourtichoux, par exemple, ils sont pendant trois siècles, c'est stupéfiant cette famille, pendant trois siècles, c'est les médecins des califes de Bagdad. Donc ils ont verrouillé aussi. Mais c'était de très bons médecins, sinon ils ne seraient pas restés médecins. Et en ce qui concerne quand même le Xe siècle, il ne faut pas oublier qu'Avicenne, dont on nous parle beaucoup aujourd'hui, il a eu comme maître Abu Sa'al al-Mazili. Al-Mazili, ça veut dire le chrétien. C'était donc un chrétien, disons, de spiritualité augustinienne, qui a été le maître d'Avicenne. Voilà, c'est un exemple, justement, de cette transmission. Alors, les musulmans ont ainsi reçu, par ce vecteur, une partie de la culture antique. Et dans cette culture, ils ont fait un tri. Ils ont conservé certains aspects. Et ils ont complètement négligé d'autres aspects. Bah, il y a une sélection, il y a un filtre qui n'est pas le même, mais qui ressemble par certains aspects au filtre des chrétiens vis-à-vis du savoir antique. C'est-à-dire que, comme toujours, vous êtes dans un monde qui est religieux, qui est monothéiste. Est-ce que vous allez récupérer les théories de l'éternité du monde ? Non, parce que ça contredit la religion. C'est le cas pour les trois monothéismes. Donc les musulmans vont s'intéresser aux disciplines scientifiques incontestablement, donc la médecine. Et là, alors, il y aura des barrages de type sociaux, des rivalités de type sociologique entre médecins chrétiens et médecins musulmans. Ils vont s'intéresser à la médecine, ils vont s'intéresser à certains aspects des mathématiques, et ils vont s'intéresser aussi à certains aspects de la philosophie. La philosophie la plus proche, d'un point de vue religieux, est la philosophie héritée de Platon, des néoplatoniciens. C'est une pensée philosophique qui cadre mieux avec une pensée religieuse. La pensée de type aristotélicien cadre moins et donc va être reprise plus tard par exemple par quelqu'un comme Averroès, ce qui n'empêchera pas Averroès d'être un parfait croyant orthodoxe. Mais la reprise d'une pensée comme celle d'Aristote est plus difficile. C'est une pensée, si j'ose dire, pour aller vite, pour s'appuyer, plus matérialiste, pas tellement mystique. Chez les néoplaténiciens, vous avez une mystique. Donc il y a des passerelles qui sont plus faciles entre certaines philosophies et un monde religieux. On revient aux écoles, disons, de l'Antiquité chrétienne. C'est à Alexandrie, on pratiquait une philosophie néoplatonicienne. Donc une philosophie allégorique. C'est-à-dire qu'il faut prendre les textes sacrés comme étant des allégories. Par exemple, la sortie du peuple juif d'Égypte, ça veut dire qu'on doit se débarrasser du corps pour libérer l'âme. Voilà, ce genre de choses-là. Alors que l'école d'Antioche, justement, c'était plutôt aristotélicien. Donc, il y avait déjà deux écoles dans les, disons, 4e, 5e, 6e siècle. Il y avait déjà deux écoles très distinctes, enfin, assez distinctes, disons. Et le Coran, enfin, l'islam s'est intéressé à toutes les disciplines qui ne dérangeaient pas le texte du Coran. C'est-à-dire, par exemple, oui, la politique d'Aristote n'a jamais été traduite. D'autre part, les musulmans n'ont jamais appris le grec. Parce que pour eux, il y a une langue qui compte, c'est la langue arabe, qui est la langue de Dieu, la langue d'Allah, directement, qu'ils ont reçue directement. Donc, il y a cette fermeture au monde grec, qui est assez étonnant aussi, enfin étonnant non, qui est assez logique. Le Coran ne supporte que les disciplines qui ne dérangent pas la parole révélée. Et alors, dans la culture antique, la culture latine ne passe pas dans l'islam, en fait, parce qu'ils ne la rencontrent pas. C'est vrai qu'ils arrivent dans des territoires qui sont des territoires grecs, des territoires byzantins, ou qui ont été byzantins, et on s'aperçoit que dans la culture antique, c'est effectivement la culture grecque qui passe, sauf, d'ailleurs, comme en Occident à la même époque, sauf ce qui pour nous serait peut-être l'une des grandes bases de la culture grecque, c'est-à-dire les historiens, les poètes. C'est-à-dire que l'Iliade et l'Odyssée sont inconnus dans le monde musulman, le théâtre, les tragiques sont inconnus, ils ne seront redécouverts par les Occidentaux qu'au XIVe, XVe siècle. D'ailleurs aussi. Et la littérature latine, elle, est inconnue. Je crois qu'il y a... Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne crois pas que les textes de littérature latine aient été diffusés dans le monde musulman. Non. Mais en fait, ils n'ont connu cette culture grecque que parce qu'il y a eu des copes, des nestoriens, voilà, pour faire le travail de traduction. Voilà, des syriaques, au départ. Oui. Oui. Qui, eux, ont donné... Enfin, ils ont eu une généalogie. Il y a des familles de Syriaques qui ont eu des enfants, des petits-enfants, etc. Donc, il y a une transmission dans le monde arabe. Après, ces familles-là se sont arabisées. Vous écoutez Radio Courtoisie. Philippe Pichot-Bravard reçoit le professeur Sylvain Guggenheim et Madame Françoise Gaspari pour parler de la transmission de la culture antique au monde médiéval. Vous allez écouter dans quelques instants un message à propos de la fête de la courtoisie qui a lieu dimanche prochain. Dimanche 13 juin, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 13 juin, de 14h à 19h, les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Venez à la rencontre de ces auteurs et de toute l'équipe de Radio Courtoisie qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 13 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, rue Jean Eustreicher, Paris 17e, métro, porte de Champéret et Louise Michel. Entrée 12€, gratuit pour les jeunes gens de moins de 25 ans. Écrire à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Du français, déjà. Alors, la fête de la courtoisie, au cours de laquelle vous retrouverez quelques-uns des auteurs qui se sont exprimés à ce micro, et notamment le professeur Xavier Martin, qui signera son dernier livre, Retour sur un itinéraire, lui aussi partant de son enseignement, a redécouvert des choses qui étaient l'exact contraire de ce que l'on avait l'habitude d'enseigner à propos de la philosophie des Lumières et du Code Napoléon. Vous retrouverez également le professeur Jean de Vigry, qui signera son tout dernier livre, tout sauf sorti des presses, puisqu'il a été publié il y a tout juste quelques jours, Le sacrifice du soir, vie et mort de Madame Elisabeth. Et puis, vous retrouverez également Madame Huguette Pérol. Je profite de ce petit intermède pour vous rappeler la tenue de la 19e Université d'été de Renaissance catholique qui aura pour thème l'identité nationale, université qui se tiendra en Touraine avec comme intervenants Henri de Lesquin, Christophe Dickès, Philippe Conrad, Hilaire de Crémier, Jean-Yves Le Gallou, Bruno Gollnisch, Arnaud Jaillir, Claude Rousseau, Maxence Écart, Jean Vallier, Anne Bernet. Pour plus de renseignements sur cette université d'été qui se tient donc du 11 au 14 juillet 2010, vous pouvez appeler Renaissance catholique au 01 46 62 97 04, 01 46 62 97 04. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, monsieur le professeur, le titre et les références de votre livre, Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, publié aux éditions du Seuil, ouvrage que les auditeurs peuvent acquérir dans quelques minutes à la fête du lycée Stanislas, où vous serez à partir de 14h. Voilà, et où vous pourrez donc recevoir les auditeurs qui souhaiteraient prolonger la conversation avec vous. Voilà. Alors, deux petites questions sont arrivées. La première nous demandait donc de rappeler le titre et l'édition, ce qui est fait. Et puis, un auditeur qui intervient en disant, on cite toujours les racines gréco-romaines, judéo-chrétiennes de notre civilisation, et qu'en est-il du fond celtique ? Voilà. On cite toujours Athènes, mais on oublie systématiquement l'Athènes, etc. etc. Tout l'art médiéval gothique doit certainement bien plus aux sensibilités celtes qu'arabes. Alors, je vous livre cette question. Il y a un art celte et d'origine celte qui est très, très net en Irlande, hein, par exemple, c'est certain. Il y a eu des populations celtes en Europe qui ont laissé leur empreinte, de même qu'il y a eu des migrations, on dit plutôt migrations maintenant plutôt qu'invasions, de peuples germaniques au moment de la chute de l'Empire romain. Et donc, effectivement, on ne peut pas limiter le monde européen uniquement aux éléments gréco-romains. Cela dit, dans les domaines des sciences, des lettres, du théâtre, de la philosophie, des mathématiques, c'est quand même plutôt le monde gréco-romain qui a construit les bases. Dans le domaine artistique, il y a des influences effectivement celtes. Dans le domaine du droit, il y a des choses intéressantes au Moyen-Âge, parce qu'on redécouvre petit à petit le droit romain, mais on fonctionne au Moyen-Âge dans l'Europe latine, hein. Puisque Byzance garde toujours le droit romain, mais dans l'Europe latine, on fonctionne aussi avec un droit coutumier, et ce droit coutumier, c'est un mélange d'héritage du droit romain et d'éléments de loi germanique. On sait très bien qu'il y a eu un moment, justement, à l'époque, pour nous, mérovingienne, à l'échelle de l'Europe, il y a une mise par écrit des lois qu'on a longtemps appelées les lois barbares, que ce soit dans le monde anglo-saxon, dans l'Espagne visigothique, etc. Donc, dans le domaine juridique, il y a une influence très certaine des peuples qui sont arrivés de l'Allemagne, l'Europe centrale actuelle, et qui ont conquis l'Europe occidentale. Oui, en fait, ce droit non écrit, enfin, en partie non écrit, qui est le droit coutumier, qui est le droit féodal, en fait, hein, c'est ça. Mais surtout, oui, les Celtes, c'est certainement beaucoup celto-germaniques, je dirais. C'est surtout les légendes arthuriennes, par exemple, ça, c'est oui, ça. Bien sûr, aussi. Voilà, sûr. Donc c'est la littérature médiévale qui est oui, très oui, ça compte aussi beaucoup, oui, oui, oui. C'est vrai. Et puis, il y a le rôle joué par les savants, par les missionnaires irlandais, dans la diffusion de cette culture antique qui parfois a fait un crochet par l'Irlande, oui, par l'Angleterre, pour revenir en Gaule ou en Germanie. Oui, tout à fait. Il y a le grand penseur Jean Scott Erigène, qui est l'un des grands penseurs de cette partie du Moyen-Âge. Oui. Puis il y a l'évêque de Schoelborn, qui était un oriental et qui a été le maître de Saint-Boniface. Saint-Boniface étant le grand évangélisateur de la Germanie. Et donc, il aurait, d'après des témoignages anglais, d'un chroniqueur anglais, il aurait appris le grec à Boniface. Donc, on peut estimer que si on part de cette mention qui m'a l'air quand même d'être assez authentique, Saint Boniface pratiquait le grec. Donc, il y a eu une fusion énorme à travers justement la Germanie qui a été qui a facilité les liens et qui a fondé des monastères avec des Grecs. Des monastères en Germanie qui ont été des monastères très très grands. Notamment Mais il y a Roswitha de Gondresheim. Oui, pour les œuvres d'abbesse. Et puis les grands monastères, oui, impériaux d'Allemagne, c'est le, oui, Saint-Gall, Reichenau, Fulda. Oui. Et il y a justement un syriaque qui me tient particulièrement à cœur, puisque moi je suis provençal. Un syriaque, c'est Siméon Lacéen, qui est un grec, qui est un militaire et qui a combattu, oui, aux côtés de Guillaume le Libérateur en 972 à la gare de Fresnay, oui, qui est Saint-Tropez actuel, et qui, grâce à qui la Provence a été libérée des Arabes musulmans. Parce que c'est l'époque, enfin, 8e, 9e, 10e siècle, où l'islam est à marée haute, en quelque sorte, et avec de fréquentes excursions en Septimanie, c'est-à-dire dans le Languedoc, la Provence, le nord de l'Italie. Oui. Les villes sont attaquées. Enfin, ce n'est qu'après l'an 1000 que le reflux s'opère. Oui, alors, bon, on parle beaucoup de Poitiers. Ce n'est pas tout à fait Poitiers, d'ailleurs. Bon, ça, c'est très connu. Mais les incursions des Arabes musulmans le long de la vallée du Rhône et jusqu'à Reims, où plusieurs évêques ont été massacrés. Jusqu'à Reims. Donc voilà, donc il faut, je veux dire, il y a un équilibre entre Poitiers d'un côté et la vallée du Rhône, la vallée de la Saône, etc., de la Seine aussi. C'est une époque où l'Europe occidentale subit, c'est à peu près au même moment, en gros chronologiquement que ça se passe, trois séries de vagues d'attaques, qui sont des attaques sous forme de razzias, les Hongrois, qu'on oublie souvent, qui ont fait des ravages terribles en Germanie et dans l'Est de la France, dans la Lorraine actuelle par exemple. Les assauts scandinaves qui vont jusqu'à Paris, bien sûr, jusqu'en Champagne aussi, mais qui vont en fait de l'embouchure de l'Escaut jusqu'à Bayonne, et des attaques effectivement venues du monde arabo-musulman. On pense, c'est vrai, souvent à Poitiers. En fait, c'est pas là que les choses les plus importantes, les plus répétées se sont produites. C'est plutôt en Italie, effectivement, le long de la vallée du Rhône. Vous avez comme ça trois, on pourrait imaginer une carte avec trois grands axes de conflits récurrents. Les Bulgares aussi, les Bougres. Oui, il y avait tous les peuplades de l'Est. Voilà, pour le monde byzantin, lui, est en guerre constante contre les Bulgares pendant très longtemps. Et d'ailleurs, il y a encore des traces dans l'abbé Suger, qui est mon ami, si j'ai pu dire, parce que lui aussi, pendant la Régence... On descend au XIIe siècle. Donc la régence qu'il exerce en 1147, lorsque Louis VII part en croisade. Voilà, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais lui, il parle déjà, il parle encore de ces invasions, qu'il était obligé de contrer encore au XIIe. Donc voilà, ça a duré longtemps. Alors revenons en Orient après cette question sur le monde celto-germanique. Donc finalement, on a souvent insisté sur la dette des Occidentaux à l'égard du monde musulman, mais le monde musulman a une dette importante à l'égard du monde chrétien, sans lequel il n'aurait pas connu cette médecine, sans lequel il n'aurait pas connu cette physique, sans lequel il n'aurait pas connu toutes ces connaissances scientifiques. Tout à fait. Oui, c'est l'importance de la culture syriaque. C'est l'importance de ces traducteurs syriaques qui ont créé le vocabulaire scientifique du monde arabe et qui ont été véritablement à l'origine de la... Enfin, ils ont conservé le savoir grec antique, ils l'ont amélioré, ils l'ont traduit directement du grec en syriaque, directement du grec en arabe ou du grec en syriaque puis du syriaque en arabe. Il y en a un qu'on ne peut pas ne pas citer, il y en a deux qu'on ne peut pas ne pas citer. Bon, c'est Grégoire le Grand, ça c'est ancien, mais il y a un arabe chrétien qui a joué un rôle énorme de traducteur, c'est Unayn ibn Ishaq, qui était vraiment un grand, grand maître. Oui, il a eu... Alors, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots pour les auditeurs ? Mais ça a été le grand passeur de la culture, disons, grecque, qu'il a traduit, lui était un arabe, mais chrétien. D'accord. Donc il a fait connaître à l'Occident toutes sortes de textes, aussi. D'accord. Il a été surnommé le prince des traducteurs. Il a traduit énormément d'ouvrages de médecine, de Galien, il a traduit énormément d'ouvrages de philosophie, à partir donc de manuscrits qui étaient dans les monastères de l'ancien empire byzantin et qui se retrouvaient dans l'empire abbasside. Il a fait venir des manuscrits. Je voudrais juste dire une chose à propos de tous ces traducteurs, parce que c'est vrai dans les trois sphères culturelles, chrétienne, latine, chrétienne orthodoxe et musulmane, c'est qu'en général, la traduction est une affaire privée, une affaire qui est rémunérée. Vous traduisez parce que quelqu'un vous l'a demandé et vous faites payer la traduction. Et si la personne paye bien, votre traduction sera soignée. Si elle ne paye pas bien, la traduction sera moins soignée. Unayn ibn Ishaq le dit dans une lettre, par exemple. Les pouvoirs politiques sont intéressés par les traductions, mais ne sont pas forcément, ni dans une ère culturelle, ni dans une autre, forcément les grands promoteurs des traductions. Ce sont vraiment des phénomènes privés qui répondent à des initiatives, des demandes de personnes privées et qui cherchent des traducteurs. Alors, Unayn Ibn Ishaq, il a fait aussi, il a créé un vocabulaire médical approprié pour pouvoir, disons, comprendre, enfin, grec arabo arabe, et son œuvre, disons, le compendium de son œuvre, c'est ce qu'on appelle l'isagogé. Et l'isagogé a été, c'est une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'école de Salerne, en Italie du Sud, dans une école médicale de Salerne, et il a été traduit en latin par celui qu'on appelle Constantin l'Africain, parce qu'il est né en Afrique du Nord. Donc, Constantin l'Africain a transmis cet isagogé d'Unayn Ibn Ishaq à l'Occident, en latin. Ce qui fait que ça s'est diffusé jusqu'au XVe siècle dans les écoles de médecine. À quelle époque a eu lieu ce travail de traduction et de diffusion? XIe siècle, à peu près. XIe siècle. C'est un très grand siècle, le XIe siècle, oui. Certainement. Au moins la deuxième moitié du XIe siècle, c'est un siècle où il se passe beaucoup de choses. Et en Italie du Sud surtout, parce qu'il y a eu l'occupation normande en Italie du Sud au milieu du XIe. C'est-à-dire le moment où les musulmans qui étaient installés en Sicile deux siècles plus tôt sont chassés par les Normands. Et ils ne sont pas complètement chassés. Les Normands prennent le pouvoir, oui. Il y a des luttes, il restera toujours des populations arabo-musulmanes en Sicile. Frédéric II, au XIIIe siècle, les rencontre et les utilise contre le pape, d'ailleurs. Mais oui, voilà. Donc les Normands ont su d'abord transporter l'architecture normande, c'est-à-dire très avancée par rapport à l'architecture, disons, latine, de Gaule ou d'Italie. Donc, une architecture avec des ambulatoires, avec justement l'abside ronde déambulatoire, c'est une chose que les Normands ont apportée en Italie du Sud. Et je voudrais quand même citer des grands prélats d'Italie du Sud, je pense à Alphand en particulier, qui étaient souvent, eux ou leurs collègues, étaient aussi des cardinaux de Rome, et qui ont construit ces très belles basiliques romaines, et qui ont fait venir, et ça c'est important aussi, au XIe siècle, au XIIe aussi, mais c'est au XIe siècle que ça se passe aussi, surtout, ils ont fait venir des artisans d'Orient, de Byzance. Ils ont fait venir d'abord des portes de bronze et des mosaïques. Et après, ils ont fait venir, enfin, à peu près en même temps, des artisans pour faire des mosaïques et des portes de bronze. Ce qui fait que là aussi, on a une infiltration de toute la pensée esthétique orientale en Occident. Et avec la médecine, une chose intéressante, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Salerne, et il y a un autre point de chute qui est Chartres, oui. Où malheureusement, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, destruction, beaucoup. Alors, on a la description du manuscrit puisqu'elle a été faite avant, mais on a perdu une très grande partie des manuscrits, et il y avait au XIe siècle énormément de manuscrits médicaux à Chartres, y compris de manuscrits d'art vétérinaire. Il y avait une très grande école à Chartres. C'était une... Et alors, il y a eu, au XIe et au XIIe siècle, il y a une fantastique école de pensée, enfin, si j'ose dire rationaliste, j'exagère un peu, mais très marquée par le type de pensée d'Aristote et par la volonté, pour aller vite, de chercher dans la nature les causes des phénomènes. Il y a une démarche de type scientifique ou pré-scientifique à Chartres, qui est très nette, notamment vis-à-vis du monde naturel. Et puis il y a ces deux grands évêques, Fulbert de Chartres, Yves de Chartres, qui avaient un rayonnement intellectuel très important. Et qui sont eux des grands juristes. Oui, Yves de Chartres qui a mis un terme à la querelle des investitures. Oui. Qui a mis un terme assez ambigu, mais enfin ça a quand même calmé les En inventant relations. Le compromis qui permettra d'accorder il tout le monde. Il a une solution simple mais géniale. Géniale mais simple. Vous pouvez la rappeler De distinguer dans l'investiture d'un évêque les éléments qui relèvent uniquement de la charge ecclésiastique, et donc il n'est pas question qu'un laïc investisse un évêque justement par la crosse et par l'anneau qui sont des symboles purement ecclésiastiques, et de distinguer ça d'un côté et d'un autre côté les éléments temporels du pouvoir épiscopal, puisque les évêques à l'époque ont des droits temporels. Les évêques ont des droits comtaux, ils sont les défenseurs des cités, ils ont un rôle politique. Et Yves de Chartres dit, pour éviter les conflits entre la papauté et l'Empire, entre le pouvoir laïque et le pouvoir ecclésiastique, on va séparer, je vais vite schématiser, mais on va séparer l'investiture ecclésiastique d'un côté, l'investiture laïque temporelle de l'autre. Alors la solution a été bancale, et d'autant plus bancale qu'à partir de là, ça n'a satisfait au fond personne. On a un regain de la pompe impériale du côté de l'empereur, et de la pompe, disons, pontificale du côté du pape, évidemment. Et au XIIe siècle, il va y avoir une lutte acharnée au point de vue esthétique, au point de vue de la liturgie, de la paraliturgie, de la décoration intérieure. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces questions-là au XIIe. Il y a une lutte fantastique entre le pape et l'empereur. Sur le plan de la symbolique, qui est le maître de l'Occident chrétien ? Est-ce que c'est l'empereur ? Est-ce que c'est le pape ? Chacun avait le droit au chapitre. Et c'est une lutte qui débouche sur des guerres, ce qu'on oublie, j'en ai parlé pour la réforme grégorienne, parce que c'est connu entre Grégoire VII et l'empereur Henri IV et l'épisode de Canossa. Vous avez quand même 40 ans de véritable guerre civile dans l'Allemagne actuelle, pour aller vite. Avec le concordat de Worms en 122. Qui s'achève, alors, une solution provisoire à Worms en 122. Et comme le disait Françoise Gaspari, effectivement, après... Quand vous pensez aux très grands empereurs qu'ont été Frédéric Barberousse au XIIe siècle, Frédéric II au XIIIe siècle, et qui sont de très grands hommes d'État, ils ont en face d'eux des papes qui sont aussi des hommes d'État, de très grands personnages. Vous pensez Innocent III, Innocent IV, les papes du XIIIe siècle sont des hommes d'État. Eh bien, vous avez entre ces grands personnages des luttes qui sont des luttes, je pèse mes mots, des luttes à mort. Et qui ne s'éteindront pas jusqu'à Luther, à mon avis. Oui. S'étendront plus jamais. Alors, en France, en revanche, ce compromis d'Yves de Chartres a porté relativement ses fruits, même si Bernard de Clairvaux se plaint d'élections, etc. Ça porte ses fruits parce que le pouvoir royal en France est moins gênant, je dirais, pour la papauté que le pouvoir impérial du roi d'Allemagne. Une sorte d'alliance, on s'appuie sur l'un pour contrer l'autre. Et il y a des papes, il y a un pape d'une très grande intelligence qui est Urbain II et qui a compris que le conflit avec l'Allemagne était tellement énorme qu'il valait mieux éviter d'allumer des conflits ailleurs. C'est-à-dire que ce que les papes interdisent aux empereurs d'Allemagne, ils le tolèrent par exemple de la part des rois d'Angleterre. Les rois d'Angleterre nomment les évêques et font à peu près ce qu'ils veulent avec leurs évêques. Je ne dis pas qu'ils font de la simonie, il ne faut peut-être pas exagérer, mais ils nomment les évêques et ils interviennent. Le pape va tolérer ça. Alors que c'est contraire à l'esprit de la réforme grégorienne. Mais il valait mieux éviter d'ajouter au conflit avec l'Allemagne un conflit avec la puissance justement des rois normands qu'on retrouve et qui sont très forts. Et il faut dire aussi que l'investiture d'un évêque en Allemagne avait un poids beaucoup plus grand puisque l'évêque était prince temporel, alors qu'en France pas du tout. Tout à fait. Et la cour royale... disons moins de manière moins. Tout à fait. Et la cour royale capétienne était quand même beaucoup plus faible. Donc elle ne présentait pas de danger, elle n'était pas riche du tout. Et puis il y avait des personnages comme votre ami Suger qui ont veillé à arrondir les angles et à rendre compatibles les positions de l'un et de l'autre. Mais il faut dire que l'abbé Suger de Saint-Denis est donc... Avant d'être abbé, il avait été envoyé par son abbé de Saint-Denis, prédécesseur, l'abbé Adam. Il a été envoyé plusieurs fois en Italie et qu'il a fait des voyages très prolongés en Italie. Donc il a récupéré l'architecture, raison pour laquelle à Saint-Denis il a innové. Et il a récupéré aussi la politique normande. Une politique normande qui, je reviens à ce que vous disiez, cher Sylvain, c'est que la chancellerie normande expédiait ses actes en quatre langues. En grec, en arabe, en latin et en normand. Bon, c'est dire l'énorme avance de ces Normands par rapport au reste de l'Occident et surtout par rapport à la Gaule, enfin la France. Et ça explique aussi pourquoi l'abbé Suger, qui était intendant de propriété appartenant à Saint-Denis en Normandie, a pris beaucoup de choses des Anglo-Normands, enfin de l'Angleterre, enfin, dans la gestion, dans les pipe rolls, enfin, l'enregistrement des actes à la chancellerie. Moi, je pense que c'est quand même l'abbé Suger qui a modernisé la cour de France, grâce à ça. Voilà, donc ça c'est avant de devenir abbé. Après, il est retourné aussi en Italie, il est resté 6 mois. Il a fait le tour de l'Italie du Sud en compagnie du pape. Et voilà, donc, je veux dire, là on voit cette transmission aussi. Et donc l'abbé Suger a construit, comme chacun sait, la basilique de Saint-Denis, en commençant par l'entrée, par la partie occidentale, et en finissant par le chevet, et en ne touchant pas à la nef, mais ça n'a pas de rapport avec les orientaux, parce que d'après la tradition de Saint-Denis, qui était évidemment légendaire, la nef, qui était donc non pas mérovingienne mais carolingienne, au moment de l'inauguration, enfin, de la consécration, la dédicace de la nef, le Christ serait venu poser ses mains sur la nef. Donc il n'a pas voulu toucher à la nef. Et c'est plus tard, au XIIIe siècle, qu'on va tout changer. Voilà. Vous écoutez Radio Courtoisie. Philippe Pichot-Bravard reçoit le professeur Sylvain Guggenheim et Mme Françoise Gaspari pour parler de la transmission de la culture antique, notamment de la culture grecque, au monde médiéval. Alors, nous sommes au XIIe siècle et longtemps on a enseigné que c'est par Averroès et Avicenne qu'Aristote a été connu l'Occident. En réalité, il y a des moines qui sont venus directement de Byzance avec des manuscrits sous le bras, et notamment un de ces moines, l'un d'entre eux que vous avez suivi tout particulièrement, qui est Jacques de Venise. Oui, alors c'est vrai que c'est une histoire très compliquée. Moi, j'ai avancé un certain nombre d'hypothèses, j'ai reçu beaucoup de critiques, je modifie un tout petit peu mes positions dans une histoire qui me semble compliquée, pour laquelle on manque encore d'informations. Je remarque d'ailleurs que dans les écrits d'un certain nombre de nos personnes qui sont opposées à ce que j'avais moi-même écrit, il y a des contradictions. C'est d'ailleurs ce qui n'est pas un reproche, c'est que je pense que l'histoire de Jacques de Venise est assez obscure. En fait, il y a globalement un certain nombre de moines, de clercs latins, qui vont ou à Byzance ou à Antioche. Au moment de la première croisade, après la première croisade, donc à la fin du XIe siècle, au début du XIIe siècle, ces gens-là connaissent le grec, ces gens-là font des traductions, et aussi sont en contact, ça a été montré par un de mes adversaires d'ailleurs, M. Stenebesen, mais il a tout à fait raison, ils sont en contact avec les philosophes byzantins, et ils ont aussi connaissance des commentaires faits par les philosophes byzantins dans les années 1100-1115, donc c'est très tôt, faits donc par ces philosophes byzantins sur des textes d'Aristote. Alors ensuite, ces traductions reviennent en Occident, par des chemins qu'on a du mal à repérer. On connaît des traducteurs, on connaît Jacques de Venise, on connaît Borgondio de Pise. Il y a beaucoup de pisans dans les traducteurs, comme il y avait d'ailleurs beaucoup de marchands pisans liés à Antioche et qui faisaient des affaires. Malgré la croisade et la guerre, on faisait aussi des affaires entre chrétiens et musulmans, encore une fois. C'était un étonnant mélange d'événements un peu contradictoires. Alors, il se trouve que au Mont-Saint-Michel, à la bibliothèque municipale d'Avranches, sont conservés une dizaine de manuscrits des œuvres d'Aristote. Il n'y a pas toutes les œuvres d'Aristote, il y en a beaucoup. Qu'en dehors d'un manuscrit dont l'origine est attestée à l'extérieur, on n'a pas de traces d'autres origines que celles du Mont-Saint-Michel pour ces manuscrits. C'est-à-dire que vraisemblablement, tous ces manuscrits ont été composés au Mont-Saint-Michel. Ils n'y ont pas forcément été apportés, comme je l'ai suggéré, par Jacques de Venise. Ça, c'est pas sûr. C'est pas impossible. C'est pas certain. C'est-à-dire que les toutes premières traductions, celles de Jacques de Venise, les prototypes, si on veut, c'est difficile de savoir où ils sont. En revanche, ça veut dire qu'au Mont-Saint-Michel, on a copié ces traductions, ou on a acquis ces traductions ou des copies de ces traductions très tôt, puisqu'elles sont attestées par l'abbé du Mont-Saint-Michel, Robert de Torigny, qui écrit une chronique de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et qui, racontant l'histoire de son abbaye, rajoute de lui-même, en marge de sa propre main, autour des années 1128-1129, le fait que Jacques de Venise a traduit certains textes d'Aristote. Dans les textes que Robert de Torigny mentionne, certains ne se trouvent pas à Avranches, certains s'y trouvent, et il y a des textes qui sont à Avranches et que Robert de Torigny ne mentionne pas. Bref, au milieu du XIIe siècle, il y a déjà au Mont-Saint-Michel, mais aussi ailleurs en Normandie, on retrouve les Normands, et j'ai une espèce d'intuition qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce monde normand, anglo-normand. Vous avez à Coutances, vous avez aussi dans le monde anglais, du côté d'Oxford, vous avez avec Jean de Salisbury, au milieu du XIIe siècle, en gros donc en 1150, beaucoup de gens qui s'intéressent à Aristote, qui savent qu'il y a différentes traductions des mêmes livres d'Aristote, qui cherchent à se procurer les meilleures traductions, qui réclament des commentaires, des gloses. Alors ces commentaires ne sont pas du tout aussi volumineux que les très grands commentaires que va faire Averroès. C'est indiscutable. Ce sont les premiers commentaires qui sont faits, souvent des paraphrases explicatives, des définitions, des débuts de commentaires, et tout n'a pas été transcrit ni traduit. Et le Mont-Saint-Michel a donc servi, sans doute pas donc de centre de traduction, de prototype, mais de centre de recueil de traduction. On a recopié à ce moment-là cette traduction. Il y a eu des gloses qui ont été faites là. Et à partir de là, les manuscrits ont circulé. Et dans un ensemble qui me semble mettre en relation le Mont-Saint-Michel qui, avec Coutances, avec Chartres, avec éventuellement Paris. J'ai vu récemment, dans un article d'une des personnes qui me critiquait, des mentions très très intéressantes de disputes entre le maître Albéric de Paris dans les années 1140, Albéric critiquant Jacques de Venise à propos de certaines interprétations de la pensée d'Aristote. Alors les manuscrits en question ont été faits à Paris vers 1140 au monastère de Saint-Victor. Oui, alors on peut imaginer que justement ces traductions ont été diffusées assez tôt à Paris en particulier, parce que c'est l'époque justement 1120-30, on redécouvre une partie de la Logica d'Aristote qu'on appellera la Logica Nova. Justement, quelles sont les œuvres sur lesquelles on travaille dans ces monastères? On travaille beaucoup sur la logique. On avait gardé, grâce à Boèce, une partie de la logique d'Aristote, donc une partie de l'art du raisonnement, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, de la réflexion logique, des principes de logique qui sont à la base de toute pensée. On va redécouvrir, peut-être déjà à la fin du Xe siècle, début du XIe siècle, mais très clairement, fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, on redécouvre le reste de la logique, notamment l'art du raisonnement, les topiques. Et puis on va redécouvrir au même moment la physique d'Aristote et la métaphysique. La physique, en gros, son explication du monde, concrète, enfin, ce côté plutôt plus scientifique, pour aller vite, et la métaphysique, donc l'œuvre de réflexion sur l'essence du monde, etc. Et tout ça commence à se faire dans, effectivement, dans les années 1120-1150, et très curieusement, quelques décennies après que cela se soit fait à Byzance. Et avec alors, des gens comme Michel d'Éphèse, Strate de Nicée, qui sont, par les collègues grecs, très connus. Et cette redécouverte donc de la Logica dans son ensemble, quelqu'un comme Pierre Abélard va en bénéficier. Et c'est l'époque justement où les écoles s'ouvrent à l'aristotélisme et où on commence à faire ce que j'appellerais une préscolastique, c'est-à-dire une étude par question-réponse. Et ce sera la scolastique de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Ah, mais toujours dans le cadre d'école, avant même que les universités existent. Avant que les universités existent, puisque nous sommes quand même 70 ans avant que ça commence à exister. Oui, et bientôt des discussions entre aristotéliciens et puis tenants de l'augustinisme. Le néoplatonisme. Oui, mais qui ont tendance quand même à s'affaiblir à la fin du XIIe siècle. Il y aura des disputes. Une fois que dans le cadre universitaire, l'enseignement sera davantage structuré, où on intégrera donc l'effort de ces traducteurs et de ces premiers commentateurs, on intégrera ça aussi avec effectivement les commentaires d'Averroès qui vont arriver, qu'on va utiliser et qu'on va critiquer. Saint Thomas écrit un contre-Averroès. Et tout cela alors, va donner des querelles autour de l'averroïsme et autour de l'aristotélisme, avec des gens qui sont d'accord pour étudier la pensée d'Aristote et des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a eu des fameuses condamnations de l'évêque de Paris, Étienne Tempier, contre un certain nombre de propositions venues d'Averroès et d'Aristote. Au XIe siècle, l'abbé Lanfranc du Bec a joué un rôle important dans ces questions aussi. Oui, c'est important. Très grand. Lanfranc et saint Anselme. Et il y a, je pense que François Gaspari connaît ça mieux que moi, mais il y a chez Lanfranc, chez saint Anselme, une volonté de théologie rationnelle, si vous voulez, de ne pas séparer la raison et la foi. Oui, mais justement, il y a le traité de saint Anselme, la Fides Coherens Intellectum, ce qui veut dire en français la foi, recherchant l'intelligence. Donc cette éternelle question de savoir comment concilier la foi et l'intelligence, ça commence avec saint Anselme. Oui, c'est un personnage très important, et le Bec est loin, c'est pas très très loin du Mont-Saint-Michel, et Robert de Torigny, abbé du Mont-Saint-Michel, a commencé comme moine au Bec est loin, où il y avait une école. Avec des liens étroits. Et il y a des liens. L'Angleterre. Et il y a des liens avec l'Angleterre. Il y a quelque chose qui se joue dans cet espace d'une espèce de quart nord-ouest du Royaume de France en liaison avec le quart sud-est du Royaume d'Angleterre, si j'ose dire. Oui, maintenant, il ne faut pas oublier que la Normandie était anglaise ou l'Angleterre était normande, si on veut. Oui. Donc, il y avait des échanges constants. L'administration, la politique, l'échange commercial certainement, mais ça, c'est, disons que c'est à part. Mais c'était constant. Et justement, l'abbé Suger, justement, dit qu'il avait contact avec des fonctionnaires du roi d'Angleterre. Il a beaucoup appris de ces gens-là qui étaient très avancés. Oui, d'ailleurs, il y a un moment où le futur Louis VI s'est enfui en Angleterre, où est parti, on ne sait pas très bien, pour échapper, paraît-il, à sa belle-mère, Bertrade de Montfort. C'est plus complexe que ça. C'est parce que Bertrade de Montfort avait des enfants dont elle voulait qu'il reçoive la couronne royale. Donc elle a fait partir le petit Louis, qui sera le Louis VI, en Angleterre, il a été empoisonné. Il a commencé à être empoisonné. Et quand les sergents qui accompagnaient le petit Louis en Angleterre sont revenus en France dire au roi Philippe Ier, votre fils est en danger, il a fait revenir son fils, mais il est resté toujours malade. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Louis le Gros. Parce qu'il a grossi en raison de cet empoisonnement, à petit feu, si je puis dire. Voilà, donc voilà la version qui semble la plus juste. Vous écoutez Radio Courtoisie, Philippe Pichot-Bravard reçoit le professeur Sylvain Guggenheim et Madame Françoise Gaspari pour parler de la transmission de la culture antique, et notamment grecque, au monde médiéval. Plusieurs messages sont arrivés depuis... Alors, il y a d'abord un auditeur qui demande, pourriez-vous nous indiquer un ouvrage qui trace... Toute cette pensée née en Grèce, est-ce qu'il y a un ouvrage par... Alors, il y a plusieurs ouvrages. Il y a trois ouvrages de Raymond Lecoz. Mm-hmm. Raymond Lecoz, L-E-C-O-Z. Mm-hmm. Ce sont ça commence par l'histoire de l'Église d'Orient. Ensuite, il y a le rôle des Syriaques dans la médecine grecque, enfin, après la médecine grecque. Et il y a les Nestoriens au Moyen-Âge, la médecine nestorienne au Moyen-Âge. Trois ouvrages qui sont fondamentaux pour tous ces problèmes-là. Malheureusement, Raymond Lecoz, semble-t-il, est décédé, donc ça aurait été très bien qu'on puisse l'inviter, mais malheureusement, il n'est plus là. Mais il a étudié chaque dynastie de Syria qui ont transmis tous ces savoirs à l'Orient et à l'Occident. Je n'ai pas de titre en tête, mais je pense, parmi les spécialistes des Syriacs, il y en a plusieurs en France. Je pense par exemple à Gérard Troupeau, qui a fait beaucoup de travaux tout à fait remarquables, hein, sur les Syriacs. Malheureusement, je n'ai pas de titre en tête, mais il suffit de retenir le nom. Donc Gérard Troupeau. Alors, il y a un auditeur qui revient sur les Celtes, hein, et sur les Druides. Et qui souligne que les Druides étaient réputés dans l'Antiquité pour leur connaissance de la science et de la philosophie, mais nous n'en savons pas plus parce que les Druides interdisaient l'écriture. Bon. Voilà. Il y a un auditeur qui demande d'expliquer l'animosité qui vise Aristote. Aujourd'hui, enfin, c'est un animal. Enfin, il cite notamment à Madame Umberto Eco. C'est une animosité qui est très ancienne d'ailleurs, qui remonte au XVIe siècle et même peut-être plus tôt. Oui, parce que c'est la raison. C'est la raison qui prime. Moi, je crois que c'est ça l'animosité en fait, dans la mesure où elle a existé. C'est que l'aristotélisme devient, j'allais dire, presque dangereux. Si on le pousse à bout. Oui, puis il y a peut-être une époque au XVIe, au XVIIe, où Aristote avait peut-être été trahi par ceux qui l'enseignaient. Ou appliqué de manière aussi trop stricte, c'est-à-dire qu'il est très clair qu'il fallait sortir d'Aristote, d'un certain nombre de principes d'Aristote, par exemple en physique, si on voulait faire progresser la physique. Parce que la physique d'Aristote est fausse. Enfin, c'est pas accuser Aristote. Hein. Mais heureusement... Enfin, j'ai rien contre Aristote du tout, mais heureusement aussi qu'on est sorti d'Aristote dans des domaines purement scientifiques. Avec la tentation d'écarter sa métaphysique et sa politique et son éthique en même temps que sa physique. Qu'il faudrait dissocier les choses. Bien évidemment, le traité politique d'Aristote, de même que les textes de Platon sur la politique, peuvent toujours nous apprendre des choses. Je pense à Pascal quand vous parlez du 7e siècle. Oui. Alors, 12e siècle, Jacques de Venise, ces manuscrits qui arrivent de Byzance, on ne sait trop comment, qui se diffusent dans tout le Nord-Ouest avec ces premières discussions intellectuelles autour de l'œuvre d'Aristote. Tout cela témoigne bien de la grande vitalité intellectuelle de la fin du 11e, du 12e oui. et du début alors, du 13e siècle. Alors là, on a la fondation de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, qui pour moi est fondamentale. Hein. C'est quand même, bon, ça part de la querelle, enfin, ça part de l'arrivée d'Abélard à Paris, à Notre-Dame de Paris, où il a mis la pagaille. On a un maître qui s'appelait Guillaume de Champoux, qui donc s'est trouvé très ennuyé parce qu'il avait un élève qui troublait ses cours d'une manière assez grave. Donc Guillaume de Champeaux s'en va, si on peut dire, parce qu'il n'est pas tellement parti. Il s'en va du côté de l'actuelle faculté de Cuvier, par là, enfin bon, après la place Maubert, où il y avait une petite cella, une petite chapelle dédiée à Saint-Victor. Mais comme par hasard, et dès qu'il arrive là, il continue à enseigner, il attire énormément d'étudiants qui de Notre-Dame. Et c'est devenu quelque chose d'assez important, au point qu'en 1108, c'est devenu une abbaye. Une abbaye royale en 1113. C'est Louis VI qui la rend abbaye royale. Et à partir de là, on a un petit jeune homme qui s'appelait Hugues de Saint-Victor, le futur Hugues de Saint-Victor, qui était religieux à Metzwein, en Allemagne, en Saxe. Et dont l'oncle était chanoine à Halberstadt. Et c'est l'oncle qui, sachant, apprenant, ça aussi, ça tient du miracle, on ne sait pas très bien comment, parce que c'est fou, la communication des nouvelles aussi, c'est très impressionnant. Il prend son neveu par la main, il le fait passer par Saint-Victor de Marseille, où il s'arrête, il reçoit des reliques et des manuscrits qui sont à la Bibliothèque Nationale, qui sont avec l'ex-libris de Saint-Victor de Marseille, qui est une abbaye bénédictine. Et il monte, comme on dit, à Paris. Et là, Hugues devient chanoine de Saint-Victor. Et c'est lui qui fonde cette magnifique, splendide enseignement. Cette école, en fait. Alors après Hugues, il y en a d'autres. Il y a Richard, il y a André, il y a ça. Et ça finit à la fin du 12e. Après, c'est moins intéressant. Ce sont des écoles qui ont été effectivement des centres de réflexion. Moi, je connais beaucoup moins que Françoise Gaspary, mais en refaisant des lectures là, depuis quelques mois, je vois à quel point, donc, de part, on a des manuscrits, on a une réflexion théologique, philosophique, logique, qui est tout à fait fascinante et qui prépare à sa manière ce qu'on a appelé le grand siècle, c'est-à-dire le XIIIe siècle. Voilà. On est avant les universités, mais ces écoles urbaines, ces écoles cathédrales, ces écoles monastiques ont vraiment été des ferments culturels tout à fait importants. Alors Hugues de Saint-Victor, il a en même temps une mystique néo-platonicienne encore, hein, mais une mystique qui se base sur la nature, la contemplation de la nature, et ça c'est quand même nouveau. Ça sort un peu de l'école de Chartres, si on veut. Et en même temps, on a un enseignement qui est préscolastique, par question-réponse déjà. Et Hugues de Saint-Victor, dans le cloître, il avait dessiné une grande carte du monde. Il enseignait la géographie. Donc il enseignait tout. D'ailleurs, il a écrit un traité, Didascalicon, enfin, où il dit qu'il faut apprendre de tout. Il faut apprendre la marine, enfin la marine, le tissage, toutes sortes de disciplines artisanales qui ouvre vers un enseignement beaucoup plus global, en fait. Et puis on a, outre ces grands maîtres qui tournent autour de cette abbaye et de cette école, on a parlé tout à l'heure de Yves de Chartres, il y a aussi les grands abbés de Cluny, Pierre le Vénérable, qui était un des grands esprits de l'époque, et puis les grands esprits de Cîteaux, et puis votre cher abbé Sugère. Oui, qui a introduit son traité sur la consécration de l'abbaye de la Bastiale de Saint-Denis. Il a introduit par un chapitre entier de Maxime le Confesseur, qui était un théologien grec. Donc là, on a quand même un exemple de la pénétration, peut-être pas de la langue, encore que l'abbé Sugère, il avait entre les mains le manuscrit grec du pseudo-Denis, donc un théologien du 5e siècle, que l'empereur byzantin avait offert à Louis le Pieux. Donc, on a une présence de la Grèce, d'une façon comme d'une autre. Oui, tout à fait. Je ne peux qu'abonder. Alors, cette conversation passionnante, et plusieurs auditeurs le soulignent, notamment un professeur de lettres modernes qui vous adresse toute son admiration et toute sa sympathie. Je vous transmets le message, monsieur le professeur. touche malheureusement à sa fin. Peut-être une dernière question qui nous ramènera aux dures réalités d'aujourd'hui et à la difficulté qu'il y a à exprimer une pensée libre, etc. Il y a eu toute une polémique et une auditrice demande ce qu'il en est des pétitions qui ont été signées contre vous. Peut-être qu'il y en a eu pour vous aussi, donc est-ce que vous... Il y a eu contre moi, très concrètement, deux textes qui ne sont pas des pétitions, mais qui étaient des appels collectifs, puisqu'une pétition réclame quelque chose, donc il y a eu deux appels qui ne réclamaient pas quelque chose, mais qui s'indignaient de ce que j'avais écrit, et il y a eu effectivement une pétition. Depuis, les choses sont beaucoup moins médiatiques, cela dit, je n'ai pas envie de rentrer ici dans les détails, mais professionnellement, j'ai toujours un certain nombre de petits soucis. Je ne suis pas invité dans des jurys de thèse qui concernent les teutoniques, qui sont pourtant mes spécialités. Je n'ai plus de laboratoire de rattachement, etc. etc. Cela dit, je fais mon enseignement dans des conditions tout à fait normales et j'ai avec mes étudiants d'excellents rapports. Comment d'ailleurs reçoivent-ils cet enseignement vos étudiants? C'est-à-dire comment est-ce qu'ils réagissent et comment réagissent-ils par rapport à l'affaire? Moi, j'en ai jamais parlé avec eux. Je veux dire que d'abord, j'estime que je n'ai pas parlé en cours de ça. Il y a eu, quand l'affaire a éclaté, notamment à l'école, il y a eu une quarantaine d'étudiants qui ont signé un texte me soutenant. Et j'ai reçu, je continue de recevoir de temps en temps des messages de soutien de mes étudiants. Mais je n'avais pas à évoquer cette affaire dans mes cours. Ça concernait pas mes cours. Et je dois dire que les rapports que j'avais, si les rapports que j'avais avec mes collègues ont profondément changé, enfin, avec une grande majorité de mes collègues, je veux dire qu'avec mes étudiants, quelles que soient leurs idées, que je ne suis de toute façon pas à connaître, avec mes étudiants, il n'y a eu aucun changement. Et donc j'en suis très heureux parce que j'adore enseigner. Donc les choses continuent à bien se passer. Très bien. Ce sont des étudiants qui ont beaucoup de chance. durant les quelques instants qui nous restent, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, publié au Seuil. Je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront vous retrouver dans quelques minutes à la fête du lycée Stanislas. Je rappelle également la fête de la courtoisie, dimanche prochain, de 14h à 19h, à l'espace Champéret, où ils retrouveront de nombreux auteurs qu'ils ont pu entendre à ce micro, notamment ces tout derniers mois. Voilà. Un grand merci, monsieur le professeur, un grand merci, madame. Je vous en prie. Et un très bon dimanche à tous les auditeurs. Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le libre journal de Philippe Pichot-Braffard. Cette émission a été diffusée en direct dimanche 6 juin 2010 de midi à 13h30 et sera rediffusée l'après-midi de 16h à 17h30 et lundi 7 dans la nuit de minuit à 1h30. Elle a été réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 11 euros ou 9 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.